jour se lève. Quand le jour se lève. Je meurs d'envie, crier vers sa lumière, de parcourir la terre avant qu'elle ne le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève. Et ce sont des flots bleus, une force que rien n'atténue. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève. Tout fait tranquille, lui sans maîtrise, donne-nous les mers d'huile, mon âme les navigue. Dans l'esclavage, dans la guerre, criant les plus belles, l'espoir c'est l'heure des nouvelles. C'est quand le jour se lève, quand le jour se lève. Pardon? Il me semble que ça ressemble à un commencement. Moi, j'aime ça, les gens futés de même. Au Québec, il nous en faut davantage. Il faut les cueillir. Oui, mais dans des grands champs, dans le nord, en dehors de Natashquan, moi, je dirais avant le pôle. Pôle, c'est avant le pôle. Mais moi, regarde, j'ai mis ma courroie là. Mon rideau, les deux pôles sud-est, nord-ouest, cornest, namétis, métis, anaménis, cétis, savire, ménésé, wotobolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibolibol Et vous, madame? Je vous regarde aller, là, puis j'ai plus confiance au genre humain. Ben, voyons donc, vous. Ah, non, mon petit-fils. Il me semble que ça ressemble à un commencement. Oui, ça commence, oui, mais mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a, votre petit-fils? Mon petit-fils, oui, il se dévisse. Il se dévisse? Il se dévisse la tête. Là, il est à un niveau universitaire où on n'apprend plus. On se fait gaver l'esprit, la matière grise, là, on t'en rentre là, plus que tu ne peux pas en demander, puis on t'en rentre encore. Là. Quand ça rentre plus en avant, ça rentre par en arrière. C'est comme un ourson, là. Il est tellement pris de conception, d'animation, de réceptivité. Il va péter. Là. Il dit, non, grand-papa. Je dis, comment? Arrête, tu parles comme un épais, toi, là. Tu vas te présenter en politique, tu vas gagner. Arrête, tu me fais peur. Non, je lui ai dit, moi, écoute, je suis un orateur. Ben oui, un orateur. Avant de le devenir, il faut être un adorateur des mots. Il faut maîtriser la virgule. Courir après les trois points de suspension. Les quoi? Les trois points de suspension. Habiller Zonus à travers les muses qui disent... Ah, toi, tu l'as l'affaire. J'ai vraiment entendu ça des muses. Moi, les muses font un... Fring, Fring. Fring. Fring. Oui, allô? Oui. OK. Vous êtes le père de la muse? Oui. OK. On est en début d'émission? Oui. Vous connaissez CKRL? Oui. Vous êtes membre de CKRL? Oui. Bravo. On aime ça, nous autres. On est déjà des gens très branchés, là. On va parler de qui nous écoute? Là, votre fille, là. Comment on fait pour devenir muse? Tu sais, mon petit-fils, lui, il est à l'université, là. Comme disait Marc Favreau, à l'adversité, surtout à Laval. À Laval, pas, hein? Oui. Oui, oh! Elle est à l'université Laval, elle aussi. Mon Dieu! Il y a un cours de muse là-bas? Oui. OK. C'est quoi? C'est une mineure, une majeure? Elle doit être majeure? Oui. OK, c'est 2 ans. 2 ans moins 2 jours, hein? À Pinel. À savoir Pinel, non? À Bordeaux. Oui. À Bordeaux. À Bordeaux. Elle n'est pas avec Brigitte, parce que Brigitte est à Bordeaux, elle. Oui. Ben oui! Hey, ils vont pas faire des duos. J'espère de l'entendre dans Je t'aime, moi non plus. Oui. Oui! Ah, c'est... Est-ce que, avant de crier de même, là, à travers les branches, parce que les branches mènent de l'écho, avec ou sans Gilbert Bécaud, c'est pas signé, ça, là. C'est... Ils l'ont... Oui! Oui! C'est qui signe? Votre muse, une Québécoise, va chanter avec Brigitte Bardot. Oui. Elle chante-tu encore, la Bibi? Oui. OK. Est-ce qu'on peut l'appeler? Avez-vous son numéro de téléphone? Oui. OK, pendant l'émission, on va pouvoir... Oui. Ah, mon Dieu Seigneur! Hey, là, faut rester des nôtres. Là, je tiens à vous dire, êtes-vous en décalage de bière, vous? Oui. OK. Il est combien de bouchons avant 2 heures, vous, là? Oui. Oui. Ah, mon Dieu, lui, il est débouchonné. Là, je suis un peu excité, moi, là, parce que Brigitte Bardot, tu sais, je l'ai vu dans des films pas de Godzilla, là, mais de Godard. Puis ensuite, je l'ai admirée en tant que chanteuse, mais quand elle s'est décidée de porter d'un côté qui me plaît pas, là, bon, puis de dire que, écris-moi pas, quelque part en Alaska, il y a des bons qui s'ennuient en... Bon, vous la connaissez, celle-là? Là, moi, j'ai débranché, là, vraiment. Là. Mais là, comme vous dites que votre muse, qui est québécoise, qui fait un bac, parce qu'on sait très bien que, hein? Bon, tout le monde le sait, ben, voyons, c'est... Emporte-toi pas, calme-toi. Bon, merci. Mais là, Brigitte Bardot, là, je t'aime moi non plus avec votre fille, là. Quand même extraordinaire, là. Puis tout, et tout l'argent n'ira pas, j'espère, à aider les... Allô, monsieur? Oui? Oh, je pensais que vous étiez endormi entre deux bouchons, moi, là. Et puis, voilà, l'argent va rester où? Va rester chez vous? Oui. OK, puis vous allez l'investir à Errance Rénaldienne et puis... Oui. Ah, OK, fabuleux. Restez branchés, donnez le numéro à notre secrétaire volante. Elle va s'envoler vers les numéros. Oubliez pas le complémentaire. Parce que tout le monde sait que 2, c'est bien, mais un complémentaire, hein, c'est toujours meilleur. La comprenez-vous? Allô? Tu me l'as débranché, toi? Hey, on avait quelqu'un, le père de la muse. Mais en tout cas, je t'aime moi non plus. On va parler à Brigitte Bardot plus tard, hein, j'espère. T'as perdu la ligne. T'as perdu la... Ben voyons donc, toi. Il pourra pas nous rappeler, lui, là. 6-4... Monsieur, je sais que vous pouvez pas nous parler, mais rappelez-nous, hein. 640-418-81... Vous faites 81... C'est quoi, 50 chiffres, là? Tabarnak. Hey, wow! J'ai pas assez de mémoire, moi. Tout est plein chez nous, là. Ma carte SIM, ma carte mémoire, ma carte de sommité internationale, parce que moi, j'ai fait l'obus, moi, là. J'ai fait l'obus en 98, et puis je me suis fait signer en 2003. Puis là, ils m'ont dit, ton passeport est universel. T'as pas à reprendre la photo de guignol, puis ben, souriez pas, mais c'est gagné. Hey, wow, je vais sourire, moi, là. Je suis dans les médias, là. Tous les journalistes se font photographier avec un sourire. Moi, je suis pas journaliste. Moi, je suis encore plus quoi? Plus que ça. Plus que ce que vous venez de dire. Arrête-toi, tu dis... Non, je dis rien, moi, là. J'essaie déjà, là, d'avoir une petite pensée pour Rita Bibelot, qui a été hospitalisée hier au soir. Qu'elle avait mangé. On va dire qu'est-ce qu'elle a mangé. Elle a mangé de la viande froide. Puis moi, écoute, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je dis à Rita, 20 ans d'amour ne marche pas avec la viande froide. Elle met ça sur l'étagère, elle. Elle s'endort en tricotant. Elle reprend une autre bouchée de viande froide. Des fois, ça fait 3 semaines que c'est là. Il bouge presque. C'est le moignon? Non, c'est le rognon. Le rognon de cuir. Là, elle mange les ossatures de son chien Pito. Ah, mon Dieu. Le Pito, lui, il est pas piteux. Il mange toutes les viandes froides, tandis qu'elle mange les os, les os. Regarde-toi! Il y a juste l'eau et les yeux. Non, là, c'est les yeux. L'eau est essentielle à la vie. Vie, j'aime bien l'avoir passée. Passée, je serai heureux de poursuivre l'émission. Émission, nous nous rendrons jusqu'à la fin. Fin, je commence à avoir, hein, viande froide que je vais manger, empoisonner, ambulance, et puis c'est ça comme ça, c'est ça la vie. Hey, là, nous recevons, on va rester calme. Un homme, un musicien, un homme, déjà là, un homme, c'est pas une femme, là. Parce qu'il y a du poil, il est barbuse. On se ressemblait un peu, mais moi, plus grossouillet, là. Moi, un vrai Québécois, là. Lui, un Français. Je l'ai vu arriver en scooter. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que je veux avoir un... Madame, imaginez-vous, je veux avoir un scooter. Mais lui, il avait un scooter à essence. Moi, je veux avoir un scooter électrique. Je veux me brancher ça, moi, dans le 110, moi. Là, ils m'ont dit, ben oui, mais si tu fais ça, essaye pas parce que tu vas friser. Ben voyons, c'est quoi l'adaptateur? L'adaptateur est humain. Ah non, c'est pas vrai, c'est le gros bouchon. Le gros bouchon part par devant. Oh non! Pas dans la bouche, je pourrais plus parler. Ben c'est ça, ça va... Tu vas arrêter de faire de la pollution verbale. Ah, mon Dieu, c'est beau, ça, madame. Ça vient de vous? Non, ça vient de Jean-Marc. Pas le grand Jean-Marc qui fait clignoter les lumières puis qui dit, ah, oh, vous êtes une carte de 30 ans. Ben oui, Jean-Marc, pas de Jean-Marc. Oui. C'est comme les viandes froides, mais ça me fait peur. Flipper, ça me fait peur. Alors, on reçoit un homme de musique, un homme de télévision, un homme que vous connaissez sans le connaître. Ou que vous le connaissez, en le connaissant. Là, tu sais, moi, je l'ai vu en scooter, hein, c'est ça que je voulais dire, en scooter. Il est passé sur la rue des Abbesses. Moi, j'étais là, assis avec mon petit café, ça, mes 3 bourbons, puis quelques gringotis. Et là, en passant, il m'a fait un babaye. Il va se tuer, lui, là. Mais non, il maîtrise sa bécane. La misère à maîtriser mon micro, moi, là. Là, je lui dis, il est même souriant sur son beau scooter. À télé, il sourit, il rit, il est content, là. Il maîtrise la musique. Et pour lui, j'ai trouvé des citations. L'action et musique de Charlie Chaplin. La musique double la vie. Sully Prudhomme, extrait du livre Le Bonheur. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Fillette, ne prends pas sa main. Tu vois que tout existe. Reviens à mon registre. Ça, c'est des paroles de presque Pierre Perret, adaptatise par Rénal Gagnez. On s'excuse pour Pierre Perret. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Ah, quand j'arrête là, j'ai le droit de chanter ici. Moi, j'aime ça, le fredonner, la ritournelle. Puis là, avec mon invité, on va pouvoir le faire. La musique rachète l'homme, Marc Gandron. Oui, l'homme, je ne donnerais pas une maudite scène pour ça, là, mais la femme, ça dépend, là, 160 $. 160 $ de l'eau. La musique est la langue des émotions. Ça, c'est pas un gnochon qui a dit ça, là. C'est pas un gnochon. Les cornichons sont pas tous d'impôts, là, mais Emmanuel Kant, le philosophe. Hey, j'ai eu peur, toi, le philosophe. Hey, mais ça, c'est ma préférée. On l'entendra pas, je crois. Ah, on sait pas. Est-ce qu'il y a... On verra. La musique vous permet de devenir imprévisible. Ça me fait penser à Alain Bachung. Mais c'est de Bjork. De la musique avant toute chose. Paul Verlaine. Un chant d'amour est comme une caresse mise en musique. Sigmund Rönnberg. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement imprévisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Ça va bien, vous? Les enfants vont bien? L'école, oui. Mm-hmm. Ah, ouais, c'est sûr que dans nos vies, on peut avoir quelques difficultés. Mais pendant 2 heures, on est déjà bien entamé, là. 22 minutes après 2 heures. Avant 2 heures, avant, après 2 heures, en tout cas. 22 œufs. 22 œufs et 3 bacon. Ah, bien cuit le bacon. J'aime pas ça le bacon. Moi. Oh, je préfère quand même du caviar. Caviar. Des œufs de maman, de mormon. L'émotion. Je suis à la même morceau. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre. Tu parles trop vite, mec! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Ça, je m'ouvre. Là. Nous, on dirait un... Ouais. Nous marcherons ensemble. Marchons. Pardon, galope. Nous, hein? Ça va bien. Petite poulette. Ça va bien. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif des œufs en or, en argent. Hein, ça peut le bronze avant. Ah oui. Ça va bien, monsieur Bacon. Moi, je me suis acheté une belle voiture pour bien paraître auprès des gens. Moi, personnellement, j'ai pas de personnalité. Je me suis dit qu'à bien rouler, on va pas me reconnaître. Pas de connaissances, pas de savoir-faire. Bref, je suis un abruti première classe. J'ai gagné mon certificat. Puis là, dans ma chambre, j'en ai placé un faux. Pris sur mon petit-fils me l'a sorti sur imprimante. Là, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, papa? T'es pas papa, c'est pas ton papa. Ben oui, on m'a appris que t'étais mon papa. Ben voyons donc, toi. Ben oui, tu ne dois pas être sans... Ah. Hey, là, ils se sont mis dans les frais. Il y a eu de la chicane, l'ambulance est passée. Puis... Aujourd'hui, ben, tout le monde est à bord de poudre, poudre, poudre. Nous marcherons ensemble. Il y a des moments où on ne devrait pas... Nous défricherons les chemins narratifs. Non, c'est vrai. Il va falloir l'appeler pendant l'émission. Là, on va avoir le choix entre Brigitte Bardot ou appeler notre ami prisonnier. Ça va, hein? Il va bien? Non, il va pas bien. Pas vrai. Ah oui, on va attendre. Okay. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. Monsieur. Ça, c'est l'éclairon de l'au-delà. C'est les deux anges qui descendent vers la terre pour nous accueillir vers le ciel. Eh bien, ça va, toi? Ça va très bien. Moi, j'ai suivi en tournée Ozzy Osbourne. OK. J'étais son costumier. Oui. Et je costumais. Bien, j'espère que tu es un costumier. Oui, moi, je suis un... Oh, merci. Je suis un costumier qui costume. Oui. Ozzy Osbourne. Ah oui? Lors de son spectacle, voyons donc, spectacle en 1968, j'ai tiré, moi, là, le foulard d'Elvis Presley. Et puis? Et lui, j'ai pris pour Elvis, tu sais, qu'il a toute cervelette, qui était bien barré à l'époque, mais qui tombait. Aujourd'hui, le vendredi 4 octobre 2013, l'Errance, les Errances Rénaldiennes, présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, excusez-nous, là, le costumier d'Ozzy Osbourne vient de s'évanouir. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Imaginez-vous si vous êtes les nouveaux auditeurs de l'émission Errance Rénaldienne. Non! Nous ne sommes pas en direct de la chapelle de Pise. C'est quoi? Voyons donc, il y a des... la sainteté, là. On n'est pas là. On est en bas de ça, là, en enfer. Ozzy Osbourne vient de prendre. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de Alex Jaffré. Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté l'émission Private Jack sur MCM2, présente également une chronique musique dans l'émission. Pourquoi tu parles lentement? C'est parce que mon regard colle sur la feuille. OK. L'encre n'est pas encore séchée. OK, vas-y. Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté l'émission Private Jack sur MCM2. Présente également une chronique musique dans l'émission de William Lémergie, Télématin, que vous pouvez écouter grâce à TV5 sur France 2, les mercredis et les vendredis. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait... Ça, c'est à la télévision, hein? Il faut déjà être branché au câble. Sinon, vous pouvez le voir sur Internet. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques et souriants. Vous allez l'entendre. À la radio, on peut voir le sourire. Imagination. On va se louer un bel auto, un beau Studebaker. Shiny comme un beau couteau, oh, shiny comme ton cœur. Pourquoi, honey? Y'a rien trop beau, c'est toi et mon invité d'honneur. Rouler, coller. Et tous les jours, ce sera dimanche, une nouvelle vie commence. M'a t'attrapé dans mon lasso, c'est toi et mon porte-bonheur. M'a va t'aimer comme un taureau, en chaleur, en chaleur. Honeymoon, le gosse au fond, roulé tout nu dans l'horizon. Roulé, calé. Jusqu'à toi, jusqu'à L.A., jusqu'à l'éternité. Salut Alex! Ah, peu importe, c'est c'est pas grave. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Ça va? Et oui, toi? Ah, j'adore cet accent. Oui, mais écoute. Un accent, tu pourrais dire. Un accent, quel accent? Non, mais c'est vous qui avez perdu le vôtre. Parce qu'à l'origine, vous aviez le même accent que nous au 16e siècle. Ah mince. Ben oui. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Et j'ai déjà entendu cette histoire. Alors, au bout de deux fois, tu finis par. Ben oui, ben là, c'est peut-être vrai. Ouais. Oui, la vérité est peut-être là. Ou en tout cas, une bride de vérité. Ça va? Ah, sinon, t'es équipé et tout, génial. Ah oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je fais plus confiance à celui-là. D'accord. À cause de la durée des piles. Ouais. Celui-là, ça peut... Et samedi, il m'a fait faux bond. Donc, j'ai dû... Non, j'ai rien perdu. Mais j'ai dû travailler sur la carte SD pour pouvoir récupérer. Donc, ça a pris 6 heures de récupération. Mais bon, j'ai tout gardé parce que j'avais Marie-Claire Buzy. La chanteuse des années 80. Ah oui! Oui. Ah, donc, je voulais rien perdre. Elle avait amené un ami plus tard pour que nous puissions être seuls. Et puis après ça, son copain est arrivé. Donc, je voulais rien perdre. Comment ça s'appelait le Body Physical? C'était ça? Oui, exactement. Et aussi inspiré par Gainsbourg. Gainsbourg lui a écrit quelques trucs. Lulu, entre autres. Ouais. Donc, elle avait écrit Lulu. Lui a écrit la musique. Elle avait demandé à Bachung à l'époque... Mais Bachung était encore dans Play Blessure. Ouais. Donc, c'était très sombre. Et il voulait ça un peu plus 80. Donc, Ce qui est drôle, c'est c'était Play Blessure ou Gainsbourg et Bachung? Oui, Bachung, oui. Où finalement, la sauce... je crois que ça avait été accouché dans la douleur. Ça n'était pas... Mais ça se sent aussi sur l'album. Ouais. Très actuel encore. Hein? Ouais. 80. 1980, ouais, c'est du Joy Division. Ouais, je me souviens, j'avais acheté le vinyle, c'est vrai qu'à l'écoute, c'était... Puis aujourd'hui, c'est du Joy Division, comme je te dis. Je vais prendre un petit café. Oui. Je me suis hélas levé très tard. Oh! Ok. Je veux bien un jus d'orange, un peu d'espresso, Non, mais je vais leur lancer, je sais pas. Ou alors des tartines. Des tartines? Ah bah, des tartines, la tartine, jus d'orange, Tu veux un café? Je vais reprendre un autre allongé, s'il vous plaît. Oui. Alors toi, à l'origine, t'es un compositeur. Oui. De musique à l'image. Générique et film. De film, ouais. C'est ma vie, quoi, je pense. Voilà. On te voit aussi le matin, à Télématin. Oui. Ouais. C'est du direct. C'est du direct. C'est du. Donc c'est un rythme de vie totalement. Non, parce que moi j'ai la chance de venir. J'arrive à 8h et je passe à 8h, 8h20, 8h30, donc je me lève à 7h, comme pour emmener les enfants à l'école. C'est bien. Mais la vie de studio fait que souvent je finis tard au studio, donc voilà, c'est ça. Et puis là, en même temps, je viens de fêter les 40 ans d'une amie. Ah, donc voilà hier. Pourquoi. Ouais, okay. Avant-hier, mais ça a traîné un peu. Oh, ok. Et voilà. Des relents de cette fête. Voilà, exactement. Parce que heureusement qu'il n'y a pas l'image. Écoute, on va prendre une photo. On va prendre une photo. Monsieur, s'il vous plaît. Attends, on verra. Ah, bah, très bien, j'adore, j'adore. Non, mais si ça se passe mal, on la prendra quand même. Ah oui, surtout si ça se passe mal. Ok, on va voir la rogne et. Es-tu un produit parisien? Es-tu né ici? Non, je suis né en banlieue, en grande banlieue, dans le 95, okay. Dans le Val d'Oise. Comme Zaza Fournier? Ah oui, aussi? Oui, ah, oui. Bah, je la rencontre après toi. Ah bah très bien. Ah bah voilà, écoute, elle est née dans le 95, oui. Le 9-5 vaincra. Ah. Voilà, et moi je suis né là, mes amis d'enfance sont là-bas, j'ai monté un groupe petit avec mes amis d'enfance de là-bas, des amis d'enfance que j'ai toujours, non même pas, non, un peu pop rock, jazz, voilà. Francophone ou anglophone? Nous, c'est... les deux, c'était instrumental, puis on a rencontré une chanteuse et on chantait français-anglais. Okay. Et puis, vous avez eu un succès d'estime? Oui, on a joué dans quelques boîtes à Paris. On a joué à l'Élysée-Montmartre. Oui. Et avant qu'il brûle. Ah, mais ça fait quand même assez longtemps. Il y a 15 ans, 20 ans? Oui, plus que ça. Ouais, ouais, y a, bah, Ouais, le groupe, il y a au moins 20 ans. Hein. Mais la salle a brûlé il y a 5 ans, je crois. Hein. Oui, oui, il n'y a pas très longtemps. Ben oui, j'étais ici. Ah oui? Oui. Et puis bah, pendant qu'on faisait le groupe, quelqu'un m'a proposé de faire un générique télé. Lequel? C'était pour Paris Première. Il y avait un générique, c'est un petit truc. Et le gars aimait bien la musique qu'on faisait dans le groupe. Il fait, tiens, tu veux pas faire le générique? Et je lui dis, ouais, je sais faire ça. Alors que j'avais aucune idée que je savais faire ça. Alors t'as bluffé. Voilà, à fond. Et j'ai fait ça et je me suis dit, waouh, mais bien. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que le truc qui me plaisait par-dessus tout, c'était la musique à l'image. Et que j'écoutais Delerue, Morricone, François de Roubaix. J'écoutais ces musiques sans avoir fait le lien entre la musique à l'image et l'image. Et je me suis rendu compte que le truc qui me plaisait le plus dans la musique, c'est quand c'était la musique posée sur l'image. Mais toi, c'est l'image qui te crée une musicalité. C'est en regardant ce qui se passe que dans ta tête, tu entends une musique. Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est quand la musique raconte... Quand la musique montre l'invisible, alors dans un générique c'est plus démonstratif, donc c'est moins, c'est, la démonstration est moins probante, sur un film, je pense qu'une musique réussie, c'est une musique qui montre l'invisible, c'est-à-dire que ce que tu vois pas sur les personnages, sur la vie des personnages, la vision subjective des personnages, tout ce qui est hors cadre. Je trouve que c'est ce qui me plaît beaucoup dans la musique. Et dans la musique aussi de générique ou de jingle, ce qui me plaît, c'est... Le générique doit amener l'idée de l'émission. Donc, si c'est une émission festive, tu dois beaucoup plus montrer le... J'aime bien l'efficacité. J'aime bien quand les gens te disent, j'ai un jingle de 5 secondes ou de 12 secondes, il faut raconter le truc. Et tu dis, j'adore. Alors qu'une musique de long métrage, tu peux avoir... 10 minutes, 3 minutes pour écrire. Alors voilà, 15 secondes. Et en 15 secondes, il faut réussir. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est. J'aime bien le côté sprint aussi. Tu vois, c'est plus, à mon avis, endurance sur la musique de film. L'instantanéité. Ouais, et ça, voilà. Il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et en gardant le côté malin, parce que sinon, tu peux aussi être compréhensible pour tout le monde en descendant le niveau et en faisant un truc pas terrible, enfin, très paupier ou très. J'aime bien l'épreuve, l'exercice. Mais moi, ce qui m'a fait sourire en te lisant avant de quitter pour Québec, c'est une émission que nous, on a vue grâce à TV5, Silence on pousse. C'est toi qui as écrit le générique? Ah oui, entre autres. C'est drôle, j'ai fait ça. Ah oui, mais parce que ça a bien fonctionné chez nous au Québec. Ouais. Ouais, oui. Ah, c'est marrant. Ah oui. Mais j'ai fait plein de. Est-ce que vous avez scène de ménage? Non. Des programmes? Non, vous n'avez pas non, ça. Non, sur Internet, YouTube. Ouais. Parce que je suis allé voir. Ah. Et parce que ça en France, ça a été un peu notre. C'est un peu notre tube parce que c'est une émission qui marche très bien. Lorsque l'émission fait un tube, est-ce que ton salaire est revisité? Non. Oh, ok. Après, c'est le à chaque fois que ça. Tu sais, c'est le principe de SACEM. Je pense alors, que plus ça fonctionne, plus ça passe et plus les auteurs vont gagner plus cher. Oui, enfin, après, c'est relatif. Ok. C'est pas. Tu sais, souvent, il y a une sorte de légende. Par exemple, tu vois, on a fait la météo de France 2 et France 3, et les gens disent waouh, ouais, t'as fait la météo, mais tu dois être riche à millions, tu t'imagines avec une Bentley, une piscine dans ta cave et tout, alors que non, c'est. Même si ça passe 3-4 fois par jour, c'est 5 secondes. Alors ça fait des sous évidemment sur un an, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas des sommes à côté de quelqu'un qui écrit un tube, qui écrit une chanson qui marche bien et qui passe à la radio, c'est les proportions, c'est 300% moins d'argent qu'un tube, on va dire. Mais est-ce que tu es demandé pour faire de la musique rattachée à des chansons ou... Non. Mais oui, on me demande, mais j'y vais pas. Je fais des chansons quand il y a besoin dans un film ou pour une pub. Là, j'aime bien faire des chansons, mais faire des chansons... Je crois que j'ai pris l'habitude de travailler avec l'image comme garde-fou, tu sais, j'ai du mal à travailler sans image. Enfin, j'ai du mal à travailler en me disant, tiens, la musique va être au premier plan. Je pense que c'est un peu par timidité musicale. Ah. Et donc, il faudrait peut-être que le groupe fasse uniquement un vidéoclip sans musique pour que tu puisses dire, ok, je vais le faire, parce que exactement. Sinon... Thank you.

c'est l'incendie, le grand incendie, l'incendie. Le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie. Comme le mentionnait Jim Morrison. Oui, c'est Jim qui me l'a dit avant de... dans sa circus. Au bar de circus. Pas dans le bain, là. Le bain de minuit. Vous m'entendrez au bain de minuit, j'irai vous maintenant. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renadine. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il n'y a pas de ça? Oui, il y a du ça. Il y a du ça? Oh, il y a du ça! Rita, est-ce qu'il y a du ça? Ben oui, j'ai pris ça mot sur mot. Il parlait français? Il parlait, oui, à la fin, il parlait toutes les langues. Oh oui! Ça, on appelle ça le délirium. Voyons, c'est pas le délirium, c'est le délirium. Le délirium. Ah, il était en délirium. Et monsieur, il montait. Non, tu te trompes, toi, là. Je me trompe? Oui, entre le délirium. Oui. Et le... Le quoi? Dites-moi le monsieur. Non, c'est madame. Monsieur Gagné. Oui. Vous vous trompez? Je vais prendre le micro quelques secondes. Oui. Vous êtes dans l'inexactitude. OK. Entre le délirium. Oui. Et l'hélium. Oh. Les valium. Les valium ont rien à voir. Quoique, hélium, valium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, hélium, tu vois que calaquette. Les gens t'ont pas entendu, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, ils pleurent. Qui? Ben, le public, parce qu'ils m'entendent actuellement. Ouais. Au petit trou. Non, c'est pas ça. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. C'est quoi ça? C'est le son d'un extraterrestre. Il fait ça? Oui, il fait. Toi, si tu le regardes dans les yeux, fini. Tu rapetisses, tu deviens tout petit, tu rentres dans la soucoupe. Quoique, hey yo, pas juste au Québec, mais sur la planète en général, il y a pas mal de soucoupes. Pas mal. Ils sont pas tous à l'hélium, mais non. Ouais, c'est ça, ils volent pas. Ben, ils volent. Mais sans le savoir, quand tu le sais pas, c'est ça le problème. Moi, j'ai rien contre les gens qui se ridiculisent en sachant qu'ils se ridiculisent. Mais les autres là, qui se lancent dans le ridicule sans en connaître le passage, ça me fait mal à la tibulaire. Ça, c'est en dessous de la matière grise, c'est ce qui repose, là, c'est des petites éponges. Puis quand il manque un peu de jus dans l'éponge, parce que c'est le jus qui amène les idées, quand t'as plus de jus, t'as plus d'idées. Ah oui! Demande à un poète, « Ah, moi, écoute, je peux plus rien te lancer, là, j'ai plus de jus. » Ah, ça, c'est dans, en dessous de la matière grise, c'est le jus qui envoie ça dans la matière grise. Comment avoir du jus in vitam parparman? C'est très simple. Vie! Allô? Vie! Ah, oui, qui? Vie! Ben oui, je sais, vie. Vis ta vie. Plus tu vas vivre des expériences, plus l'éponge va être gorgée d'informations pour la lancer en haut dans la matière grise. Pas de vécu, pas de connaissance de la matière grise. Hey, monsieur, ça va bien? Ça va très bien. Là, ici, maintenant, excusez-moi, je tournais les pages, comme lorsque j'étais bambin à l'église. Parce que si le public ne le sait pas, on va lui inculquer un peu de passage de ma biographie. Ah non, oh oui. J'ai déjà été, comme je disais, le disais-je, servant de messe. Servant de messe? Oui, oui, oui. Là aussi, je n'étais pas très bon. C'est-à-dire que je devais prendre les clochettes et les amener à l'hôtel. Pas à l'hôtel, voir la petite fille dire « Non, c'est à l'hôtel de l'église. Là. J'avais tendance à brosser ça. Ça fait « ding-ding » pendant que le curé parlait. « Ah, c'est... » Il me regardait du coin de l'œil. Là, à un moment donné, il était au désespoir. Il s'est tourné vers moi en disant « Mon tabarnouche! » Et là, le public « Hey! » Les servants, tous les chrétiens. Le curé se retourne vers son public en disant « Je n'ai point blasphémé. Dieu le sifère en arrière a fait sonner les grelots. Moi-même, ce soir, lorsqu'il pêchera, je lui brancherai les grelots. » Et là, la police est arrivée. Ah, c'est... Il était plus curé à la fin de sa vie. Il était commis dans un dépanneur. Il était caissier. Il caissait des caissiers. En tout cas, il était gérant de caissier. Il aimait bien ça. Oh mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref. Cessons l'introduction et entrons sans Jacques. Jacques Dutronc. Excusez-moi. Entrons. Hey, tu viens de toucher devant le public. On va faire de la censure. Tu couperas à 55 minutes et 20 secondes. On continue. Alors, la phrase de Bukowski, c'est « Hier, c'était vendredi ». Ben non, c'est aujourd'hui, vendredi. Excuse-moi, là. On va demander à Charles. Est-ce qu'on peut appeler Charles Bukowski? Tu composes de 1, 4, 1, oui. 4, 3, 8, 17, OK. Charles? OK, Charles, c'est Renard. Ça va bien, toi? Allô, Charles? Bon, oui. Nous sommes vendredi, hein, tu le sais? Oui, c'est ça. Puis là, ben, je lis ta première phrase, là. Tu dis... Hier, yeah, c'était vendredi, mais vendredi, c'est maintenant. Oui, allô, hein. Est-ce qu'on peut dire que tu étais là sans être trop là? Oui, allô, OK. On va le dire. Hier, c'était vendredi. Mais là, vous savez ce qui s'est passé. Il était là. Un vendredi noir de pluie, et je me répétais, « Reste sobre, mec! » Ne t'écoule pas. Mais là, c'est bien facile, reste sobre, ne t'écoule pas. Mais quand la pluie tombe, la pluie s'écoule elle aussi. La pluie de Midway, c'est du portugais. Mélangé avec 3-4 portugaises dans une soirée allemande. Hein? Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, comment, comme il dit à la fin, là, peut-être, reste sobre, mec, ne t'écoule pas, lorsque la pluie tombe. Même la pluie te ramène à cette idée-là. Jacqueline est en bas. Oh mon, qu'est-ce que tu fais là, ma belle Jacqueline? Je fais du pouce. Tu fais du pouce à quelle heure? À cette heure-là. Peux-tu monter en haut? En haut. En haut de chez moi? Oui, sur le toit. Mais non, pas sur le toit, il pleut. Qu'est-ce que t'as dans ton sac à main? Les trois bouteilles de rouge. T'as quoi? Trois bouteilles de rouge. Trois bouteilles de rouge? Rouge dans le sens de vin? Vin, trois bouteilles de vin rouge. Attends, c'est trois ou vin? C'est du vin, mais c'est trois. C'est du vin, mais c'est trois. C'est trois bouteilles de vin. Exactement. Rouge. J'aimerais ça sentir de l'eau tomber sur toi. Avec trois bouteilles de rouge. Sans les trois bouteilles de rouge. Admettons, là, en montant chez nous, tu perds tes trois bouteilles de rouge, mais t'as le gars devant toi là, qui... Ben, pas vraiment. Parce que je les ai achetés pour mon mari, René. Oh! Je vais lui chanter des chansonnettes. Oui! Et puis, ben là, je l'attends, mais il est au casino. Oh! Casino, puis je sais pas s'il va revenir. Puis s'il revient, il y aura pas de maudite scène. C'est qui a l'argent? Ben, c'est moi, c'est Céline. Ah, c'est toi, Céline? C'est moi, Céline. Puis René, il est pas préparé, là. Préparé? À se faire des petits sandwichs tout seul. OK, c'est toi qui fais ces sandwichs? C'est moi qui fais ces trois bouteilles de vin. OK, mais c'est toi qui... Je fais ces... Oh, vas-y, viens-t'en. Oui, je sais pas. Pourquoi? Ben, j'attends René. Ben, ça fait combien de temps que tu l'attends? 3h30. 3h30? Oui, 3h. Il viendra jamais? Ben oui, parce que je l'ai appelé. Oui, tu lui as dit quoi? J'ai trois bouteilles de... Ah, tabarn. Ben là, ici, maintenant, en direct. Nous sommes là, on se voit, on se regarde. Je vois ta petite sacoche. Je vois tes trois petites bouteilles. Je vois la petite fille. On peut monter. On peut monter en haut. En haut. L'Éden. Ta grosse bédaine. Ma grosse bédaine, j'aimerais aller ça, moi, les trois petites bouteilles. Ah. Yeah. Est-ce que tu es en demande assez souvent pour faire des génériques? Plus ça joue, plus les gens t'écoutent, plus tu es reconnu, donc plus il y a une demande dans ce milieu-là. Oui, ouais, ben moi je fais ça depuis 20 ans. J'ai monté une structure qui s'appelle Star Trek, une Start boîte. Et Record. Ouais, ouais, est-ce ça. Que c'est un... Oui, oui, là c'est okay. Le Star Trek. Ah, c'est bon, je me demandais, genre, un homme de science-fiction. Mais, et Start et Record, et on a monté ça il y a 10 ans, avec des bons camarades, et c'est vrai que depuis 10 ans, je touche du bois, mais on a beaucoup de demandes. Mais je pense que c'est un métier de réseau où les gens t'appellent, entendent parler de toi, tu fais un truc qui marche, puis un deuxième, puis... Mais en même temps, tu vois, bon, là, étonnamment, je sais ce que je vais faire à la rentrée, mais sinon, alors que la boîte a 10 ans et qu'on est quand même, on est 8 dans la boîte, vraiment, ça va être une grosse boîte. Alors, il faut que tout le monde travaille. Il faut que tout le monde travaille, mais je sais jamais ce qui va se passer. Tu vois, je sais jamais, là, je sais ce qui se passe cette semaine, la semaine prochaine un peu, puis après, je sais pas. Mais, et tout le monde amène de l'eau au moulin. Mais t'es pas le seul. Ah oui, créativement ou pour le business? Créativement, ben, tout le monde. Les deux. Pour le business, c'est beaucoup moi et mon associé. Ouais. Ok, tu rentres les contrats. Ouais, parce que j'ai une veste. Je suis le seul qui a une veste. Alors les autres. Tu passes à la télé, donc. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est ça. Voilà. L'image. J'ai un t-shirt avec le logo de la boîte. Et ben voilà. Oui. J'aimerais bien. Mais c'est presque ça. Quand tu es vu à la télévision, les gens, rapidement vont faire le lien et ce gars-là peut pas nous filer sous les doigts. On le voit à la télévision. Oui, puis d'un seul coup, t'es légitime. Tu parles de musique. Non mais c'est drôle parce que je dis souvent que le Star Trek c'est la création et la télé c'est ma récréation mais c'est très vrai en plus, c'est-à-dire que j'ai c'est du plaisir, c'est un plaisir immense d'aller, tu vois, t'imagines, je rencontre des compositeurs ou des musiciens, là la semaine dernière j'ai rencontré Nile Rodgers, le guitariste de Chic, oui. On a passé, je sais pas, une heure ensemble, une heure et demie. M'a joué des trucs, m'a montré non, faut jouer comme ça et tout. J'étais, le rêve. Ah ouais, le puis rêve. En plus, toi, t'es musicien. Mais donc, oui, moi, j'aurais payé pour ça, pour faire ça, tu vois. Et on me propose de le faire et de me payer. Pas cher, mais tu vois. C'est hyper. Mais c'est pas vraiment l'argent qui compte. Non, moi, je le fais. Faudra pas le dire, mais je ferai tout ça gratuitement. Bah oui. tout ce que je fais dans ma vie, je le fais gratuitement. Mais lorsque tu rencontres ces gens-là, est-ce que tu refiles un peu ta carte de travail? Moi, non. J'ai un autre boîte. Non, parce que j'aime... Tu veux faire la division entre tout ça? Ouais, seulement quand j'ai eu la chance de rencontrer Hans Zimmer, le compositeur. C'est vrai que au bout d'un moment, on a parlé ensemble, et puis d'un seul coup, il me dit, vous devez être musicien, enfin, tu vois, parce que les questions et la façon dont je... J'avais retourné Il s'est dit, voilà, c'est au-delà du journaliste. Donc je lui ai dit oui, donc je lui ai parlé un peu de la boîte, machin, tout ça, et j'ai fini par lui envoyer une démo. Voilà. Mais c'est le seul cas, parce que sinon tu te retrouves pas devant Lalo Schifrin et tu fais bonjour, je compose des musiques de film, non? Tu t'écoutes Lalo Schifrin, tu peux pas. Mais on va aller voir avant. As-tu une formation musicale? Tu as fait l'école de musique ou tu l'as appris tout seul? Beaucoup. Pardon, je mange. Non, il n'y a aucun problème. On fait du montage. On va. Mais je suis. J'ai beaucoup appris tout seul. J'ai fait un tout petit peu de. J'ai beaucoup appris seul et puis après je suis allé dans une école qui s'appelait le CIM, qui était une école de jazz, d'improvisation. Et là j'ai... Mais Lockwood actuellement a une école qui ressemble un peu à ça. Ouais. Didier Lockwood. Ouais. Ok. Et ben c'est ce genre-là d'ouverture à la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es autodidacte, tu t'apprends très vite, puis à un moment donné tu plafonnes parce que tu ne sais plus comment apprendre d'autres choses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le CIM m'a beaucoup aidé. Mais tu avais déjà une bonne base. Là. Oui, mais une base faite à la maison, quoi. Oh oui. J'ai le hockey. C'est très radiophonique. Surtout les gens qui s'étouffent, c'est merveilleux. Si tu peux essayer de faire ça avant la fin de notre rencontre. Je vais essayer de décéder, okay. Là. Okay. Ça serait mieux. Ce serait bien. Oui, j'ai la caméra. Ah, donc, bah, voilà. Oui, YouTube. Direct. CNN, le succès international. Oui, mais posthume, alors, je sais pas. Ouais. Ouais, mais au pire, tes ça enfants. Fait... Oui, mes non, enfants. Non, mais tes enfants vont faire du fric avec ça. Oui. Mais moi, beaucoup plus qu'eux, là. Mais... Déjà, mes enfants utilisent partiellement ma petite notoriété du matin. Ah oui, à l'école. Oui, à l'école. Bah oui, parce que, évidemment. Ils ont quel âge, ils ont quel âge 14 et 6. Ah, ok. Oh, il y a une différence. Oui, oui, oui. Mais. Et ma fille de 6 ans, la maîtresse, donc, m'a vu à la télé le matin. Donc. Je vois bien qu'elle est, elle se dit, elle voit bien qu'il y a un fil à tirer de ce côté-là. Alors, elle n'a pas encore compris comment lequel, okay. Mais je trouve ça très bien. Mais lorsque tu fais ton émission, il y a beaucoup de préparation. Donc, tu reçois des CD. Ouais. On t'envoie beaucoup de trucs, mais tu rencontres aussi, sans doute, parce que moi, écoute, en ayant une émission, il y a des gens qui m'envoient leurs disques. Puis très souvent, c'est assez ordinaire. Donc, il y a peut-être des gens que tu côtoies dans la rue. Puis, oh, regarde, je viens de faire un album. Puis, on te repasse le disque. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Mm. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers ça qui ne devraient même pas faire de la musique. Mais, moi, j'écoute tout. On est deux. J'ai Caroline qui est la vraie personne. J'ai souvent tendance à dire que je suis le Kermit, la grenouille de... Okay. De Caroline. Caroline est ma collaboratrice. À l'émission. Voilà, et qui travaille chez Star Trek et qui travaille et qui prépare avec moi les chroniques. C'est-à-dire que soit elle trouve des idées, je trouve des idées, elle trouve après des. Enfin voilà, on tout seul, j'y arriverai pas. Enfin, tout seul avec le studio, les musiques à faire et je pourrais pas mener de front tout ça. Donc Caroline m'aide beaucoup. Acceptes-tu tout ce qu'elle te propose ou tu dis oh non, ça c'est pas mon style? C'est-à-dire que comme ça fait des années maintenant qu'on bosse ensemble, on, je crois qu'on a un genre commun. Ok. Ou elle entend parler de quelque chose, oh là ça va l'intéresser. Ouais, donc ouais. Elle a un peu ta vision pour pouvoir te satisfaire. Elle a mes oreilles aussi et ma confiance, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est-à-dire que ça m'arrive dans la. Là, j'étais à un mariage, par exemple, et voilà, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais il y a mon cousin de ma belle-fille qui fait un disque et tout. » Et donc, c'est vrai, bon, je ne vais pas leur dire « Hélas, c'est horrible, hein, mais c'est rarement bien. » C'est vrai. C'est rarement. Alors que j'y vais toujours, je vais toujours écouter après ces disques avec grand optimisme. Mais, neutre. Tu es neutre à l'origine. Ouais, sauf quand les pochettes sont vraiment hideuses. Je pense qu'il y a... Il y a vraiment des pochettes, parfois, tu fais non. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, le CD traditionnel ne tient plus, donc on la jette en ligne, on se fout un peu de... Mais ce qui est drôle, c'est que les gens qui font de l'autopromotion essayent d'avoir quand même encore des CD. OK. Ah oui. C'est drôle. OK. Mais ils tiennent, puis en plus, ça fait beaucoup plus professionnel lorsque tu remets ton CD. Ouais. Parce que là, si tu redonnes ta carte, tu gardes, va voir le lien, les gens iront pas. Bon, c'est plus facile, puis c'est beaucoup plus cartésien de voir et de tenir le CD. Tu le jettes pas? Je pense que tu y a. Ben, tu peux faire un souvenir. Les disques de Céline Dion chez moi, là. Ah, ils font ça. Ah ouais. Garou, Céline Dion. Moi, je les accroche pour que les corbeaux viennent pas manger mes. Oui, ça fonctionne. Ben oui, parce qu'elle a la voix d'un corbeau, donc oui. Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que. On va faire un peu de chauvinisme, hein? Pourquoi pas? On va se frotter la bedaine. Ouais. Est-ce que. J'adore cette expression. Oui. Est-ce que. Il y a des groupes ou des chanteurs ou des chanteuses québécoises ou québécois qui t'ont marqué depuis quelques semaines, quelques mois ou... Ben on a fait, régulièrement on fait des chroniques parce que avec des artistes. Oui. Non, mais il y avait mon oncle Serge. Oui. Mon oncle Serge, on en a parlé plusieurs Puis, fois. Un universitaire, donc un homme qui parle très bien le français, qui le maîtrise. C'était, je sais pas, je suis tombé dessus par hasard, ça m'a fait rire avec manger des patates, je sais plus ce que c'était. Oui, manger des patates. C'est bon, des patates. C'est vrai. Mais ça m'a fait rire. Et écoute. un vrai déjanté. Ouais. Alors, moi mes modèles quand j'étais adolescent, qui m'ont presque peut-être mené à la musique, ont été Uzeb. Jazz, Caron, Cusson, Paul Brochu à la batterie et alors c'est drôle parce que j'ai fini par les interviewer, les rencontrer et ce qui était c'est pour moi une sorte, c'est le pinacle quoi, c'était le parce que j'écoutais vraiment vraiment beaucoup de jazz rock. Le groupe était un peu dirigé par ça aussi. Oui. Sauf qu'au bout d'un moment, ils jouent tellement bien, tellement vite que tu finis par c'est des esthètes. Oui c'est mais il y a des choses. Enfin, j'ai été vraiment pendant au moins 5 ou 6 ans de ma vie porté par Uzeb. Ouais, vraiment. Et après d'autres artistes, j'aurais pu réviser avant. Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier.

T'as pas parlé à la télé d'une chanteuse québécoise? Sûrement une... Et avec un accent vraiment très prononcé. Ah si si! Oui, ah, si. Avec ma vie c'est de la marde. Oui. Mais oui. Merde, comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou de mémoire. Ah. Je vois sa tête, je vois sa magnifique robe bleue dans le clip. Oui. Ma vie c'est de la marde. Aide-moi. Non, je vais être tout seul. Bon, ben voilà. Ah oui, en plus oui. J'en ai parlé plusieurs fois et ça m'a fait rire. Et tout le monde me dit, ah, mais c'est génial. C'est bien, hein? Je trouve ça exact. Le Blanc. Exactement. Le Blanc. Genre, bah oui. J'ai oublié son prénom, mais je. Okay. Alors, c'est le problème, c'est que ma vie est un enchantement parce que ta vie, c'est pas de la marde. Ma vie, bah, j'espère. Enfin, en tout cas, si c'est de la marde, ce sera de ma faute. Voilà. Qu'est-ce que c'était bien? Je crois que c'est Caroline ou Marion qui travaille aussi de temps en temps avec nous. Un jour, on faisait une chronique sur les chanteuses qui chantent, qui sont très délurées et qui chantent comme ça. On avait trouvé des françaises. Jane Dufresne, entre autres. Dans ce genre-là. Ouais. Moi, petit, j'écoutais Gilles Vigneault, Leclerc, Charlebois. Je retournerai à Montréal et tout. Ah, ouais. J'écoutais ça petit. Hein. Je me rends compte que j'écoute, c'est drôle. Hein. Gilles Vigneault, je comprenais pas comment il était coiffé quand j'étais. Encore aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. Justement, il a 93 ans, il fait des tournées, il fait 200 spectacles par année. Vache! Et à Paris, il en fait à peu près. Il reste 6 mois ici, en France, mais pas à Paris, mais en France. Ouais. Pour des tournées en Belgique, en Suisse. Génial! Et il a la pêche, on se demande. 93 ans? Ouais! Ouais. Ben oui, parce qu'il me semblait déjà âgé quand j'étais petit. Oui, mais moi je l'ai toujours connu vieux. Oui. Donc il y a des êtres comme ça qui sont nés vieux, hein. Et on ne sait pas autant qu'il y a des gens qui ont toujours été jeunes. Oui. Je crois qu'il vaut mieux être vieux jeune parce que tu vieillis pas, alors que quand tu es jeune. Tu sais, Roman Polanski, il est jeune longtemps. Oui, mais il se plonge dans la jeunesse aussi. Je ne me serais pas permis. Ben voilà, pourquoi pas. Mais surtout avec sa sortie à Cannes, là, il s'est pas fait que des amis. Ah ben? Sur la femme. Ah, sa vision de la femme. J'ai pas suivi ça. Ah non, ok. Mince. Très archaïque. Ah mince. Ah oui, bon. Et je sais pas pourquoi, parce que Facebook ne parlait que de ça. Merde. Donc beaucoup de journalistes avaient sorti ce qu'il avait dit là-bas. Et puis la musique aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce que tu écoutes? Es-tu un ancien punk? Es-tu un gars ou au contraire, t'es un type qui s'accroche encore au jazz? Moi, j'aime bien. Non, j'aime bien autant. J'ai autant de passion pour Rage Against the Machine que pour Glenn Gould. Enfin, okay. Pour moi, c'est y a une forme d'esthétisme brutal d'un côté et douce de l'autre, mais brut dans les deux sens, c'est vraiment découpé. Enfin, il y a une forme. Je crois que c'est le côté authentique. Je pense que ce qui m'ennuie le plus, c'est le côté trop fabriqué. Moi, je pense qu'il faut que ce soit fabriqué. J'adore ce qu'a pu faire un producteur dans les années 80, comme Trevor Horn, qui a produit les Buggles, qui a produit Frankie Goes to Hollywood, qui a produit Propaganda. Mais qui a amené un son aussi. Ah oui, il a créé Propaganda, un son. C'est hallucinant. C'est fou, c'est-à-dire que tu entendais mais ça. Mais c'est underground, je crois, Propaganda. Hein. Moi, je connais, mais je crois que la majorité. Ouais, ils ont, en France, ah, peut-être en France. Il y a eu un tube. Ouais. Chez nous, non. C'était, je crois, Pi Machinery, un truc comme ça. Oui, puis il y avait No Common, tu sais, qui était. Mais tu vois, ça, pour moi, ça s'est fabriqué. C'est volontairement marketé, fabriqué, et ça c'est le bon côté de la fabrication. Et puis après il y a le côté trop fabriqué où tu dis bah non ça. Mais moi je pense que tu vois, il y a l'artiste authentique et puis il y a l'artiste fabriqué. Voilà. Ouais. Et entre les deux. Voilà. Je marchais près d'ici et je voyais des affiches de Bruce Springsteen. Ouais. Et je me disais qu'il y avait un artiste dans mon coin beaucoup aussi fort, c'est Neil Young. Ouais. Et on n'entend presque pas parler. Et c'est à chaque fois qu'il sort un album, c'est des pièces extraordinaires. Yeah. Mais je crois qu'il n'y a pas derrière lui une machine. Ben ouais, ouais, pour pousser, parce que c'est quand même souvent supérieur à ce que Springsteen. Il y a un très bon documentaire qui est sorti en DVD, en Blu-ray sur Neil Young il y a quelques mois. Je crois qu'on devait en parler. Je ne sais pas si on en a parlé finalement dans la chronique. C'était très très bien. Un grand bonhomme, Neil Young. Mais peut-être le problème, c'est le tube. C'est-à-dire que, tu vois, Springsteen, n'importe qui là sur la terrasse de café peut au moins citer 4, 5 oui. tubes de ouais, Springsteen. Ouais, ouais. Et Neil Young, c'est plus dur. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, c'est aussi accrocheur. Ah oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas la facture. Peut-être que les gens derrière ne sont pas là pour pousser. Alors, c'est très souvent ça. Hein. Non. C'est-à-dire que qui n'a pas chanté Born in the USA un jour en sortant de sa douche et en se prenant pour un dieu vivant quoi, oui, enfin, oui, c'est vrai. Oui. Moi, tous les matins, je sors de ma douche avec mon petit slip parce que je prends une douche habillée parce que je suis très pudique. Québec, c'est classique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça. Il y a un peu de Québécois en toi. Sans le savoir, hein. Ça te révèle. J'adorerais. J'arrive. Je viens habiter chez vous. J'adore. Ah, mais tu n'as jamais visité? Non. Ok. Non. J'ai dû faire un arrêt un jour en avion. Je suis sorti, j'ai dû faire un... Pour aller où, à New York? À New York. Ok. Ok, t'es arrêté à Montréal. Ouais, il y avait un peu de temps, donc j'ai... Mais ça fait partie... Je sais qu'il y a des festivals de musique incroyables. Actuellement, il y a le Festival d'été de Québec. Donc, il y a des grands noms français qui sont là. Français, belges, suisses, africains, ouais. États-Uniens. Donc, c'est... États-Uniens, c'est bon, ça. On dit ça, moi j'adore. Ben parce que je peux te prendre nous, ça, États-Unien. Oui, ouais, ben oui parce que nous sommes Américains, parce qu'on vient de l'Amérique, mais nous sommes des Québécois américains. Et les États-Unis, c'est une autre chose. On est loin d'être États-Uniens. On a une langue européenne dans une zone états-unienne. Alors, on est influencé par les États-Unis, mais notre langue est francophone. Donc, on puise en Europe. Donc, c'est assez complexe. Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très singulier sur l'état d'esprit. Enfin, j'ai quelques camarades de Montréal et du Québec. Et je trouve qu'il y a... Vous avez franchement un état d'esprit... Et comme si le cerveau, il y avait les mêmes choses que tout le monde, mais monté dans comme un Lego, les pièces auraient été montées dans un autre sens. Un Rubik's Cube. Oui, c'est ça. Où les faces sont pas de la même couleur. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je pense que voilà, culturellement, vous avez un parcours qui fait que vous êtes différent parce que vous êtes coincé entre une autre histoire et un gros bloc avec... Parce que lorsqu'on dit des États-Unis, c'est les gens qui habitent aux États-Unis. Si tu dis des Américains, ben là, ça englobe toute l'Amérique. Ouais. Donc, dans l'Amérique, il y a l'Amérique francophone et anglophone. Ouais, c'est très juste. Mais tu vois, le choix du mot, ne serait-ce que ça, et le respect du mot... Prouve déjà un état. Nous, on a abandonné depuis longtemps. Vous pouvez vous permettre des anglicismes. Nous, beaucoup moins. Ouais. Senteur de clope, tapis orange, détendu. Tâche louche, hydra, tâche encore plus louche, le plancher. Dans les années 80, mur en bois castor, wallpaper fleuri déchiré, ceiling leak depuis une couple d'années. Je me demande comment longtemps que ça fait que les mouches sont sur le plancher. Vive les vacances. Thank you. vacances, pis les motels cheap sur le bord du highway. Rénal, je t'aime, Laurence Rénaldienne non plus. Sur CKRL 89.1 à Québec. Mais qui se soucie de nous? saura jamais où vont les crétins, les cadors. Peut-être ils vont se recoiffer, peut-être ils vont se renseigner. Authentique, intègre et surtout continuer à discourir en français, ben, il faut se tenir avec la francophonie, avec les mots justes. Lorsque je dis à des Parisiens, je serai assis au café à l'extérieur avec un gaminet noir, t-shirt, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai été chercher. Hein. Quand tu m'as dit ça. Gaminet, j'ai été chercher. C'est ça, mais putain, qu'est-ce que c'est quoi un gaminet? Vous nous arrivez avec un chapeau. C'est pour ça que j'ai répondu, j'aurais un sombrero jaune. Oui, d'abord, je me suis dit, un gaminet, c'est quoi? C'est une casquette. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, gaminet, c'est typiquement francophone. Nous, on dit, vous dites, et ça, ça m'écorche l'oreille, à la radio, c'est encore pire, vous dites broadcaster. Nous, c'est de la... En plus, c'est québécois. C'est comme nous, c'est courriel. Vous, oui. C'est email. Mm. Balado-diffusion. C'est long à dire, mais ça veut tout dire. Balado-diffusion. Balado-diffusion, c'est pas mal. Hein? Ben oui. C'est joli. Et ça c'est québécois. Ça fait un peu baladure. Moi. C'est la seule limite okay. du truc. Oh, ouais. Ben chez nous, ça n'a pas de consonance. Oui, oui. Donc, baladure, ça dit rien sauf à des francophiles. Mais les francophiles, c'est des gens du Québec qui fabulent sur l'Europe. Ouais. C'est ça, des francophiles. Ouais. Donc, très souvent, les francophiles n'ont jamais visité la France. Donc, ils ont une image un peu de Gabin, de Belmondo. Oui, oui, oui, oui. Donc, un peu carte postale de Pigalle, sans avoir mangé au Moulin Rouge. Oui, le côté ouais, Amélie Poulain. Ah oui, voilà, ouais. C'est ça, en plein ça. Donc... Mais c'est ça, il faut faire attention chez nous à notre langue, puisqu'on va la perdre. Et aujourd'hui, nous avons le PQ qui est au pouvoir, le Parti québécois. Donc, c'est très important parce que c'est un des seuls regroupements politiques qui osera nous proposer encore une fois, pour la troisième fois, l'indépendance du Québec. Mais moi, je vote, hein. Ah oui, ouais, moi je m'attends. Sache-le, je mettrai un t-shirt. Trouve-toi une copine québécoise, marie-toi. Juste pour. Écoute, on va t'arranger ça. Très bien, oui. En plus j'ai remarqué que vous avez quand même un choix du roi. Filles. Oui, okay, hein. Ok, je crois des choix de filles. On a beaucoup de choix de filles. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Ah oui, non, mais voilà. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est vous êtes très très bien servi en femme. Ah oui, effectivement. Vous avez des femmes somptueuses dans votre oui. pays. Ah oui, il n'y a pas juste Céline Dion. Ça, c'était l'ombre au tableau. J'ai l'impression que c'est ton némésis, tu sais, ton ennemi. Ah oui, je mise toujours. Moi j'ai un jeu d'art avec le visage de Céline Dion. Un jeu de dart, c'est les fléchettes, c'est oui, ça? Oui, les fléchettes. C'est bon, ça. Oui. Ah oui, ouais. J'adore. Hey, j'ai 10 questions. Hey, mais avant de poser les 10 questions, tu te vois où dans quelques années? Oula! Alors ça, je... Comme ta maison, ta boîte s'appelle Star Trek, c'est de la science-fiction. Ouais, donc dans 10 ans, dans l'espace. Tu te vois... Non, mais pas dans l'espace, mais on peut se projeter. Écoute, peut-être... Ah, c'est une bonne question. J'en pose rarement, donc pas fait de okay, oui, c'est la bonne question. C'est la bonne, voilà. Il y en aura la pas d'autres après. Non, c'est terminé, écoute. Deux cafés, c'est assez pour ça. Pour, ouais, pour arriver à... Après ça, c'est de la bière, donc ça va aller mieux. Oui, car il est déjà 17h, l'interview ben oui, a duré 7h. Le décalage horaire. Hein. Et écoute, je crois que j'aimerais faire un peu plus de... J'aimerais qu'on me propose de faire un peu plus de musique de film, de long métrage. On en fait déjà, mais c'est vrai que la fiction et c'est, le cinéma, c'est ce qui me touche le plus. En général, pas que la musique de film, mais c'est vrai que généralement, je ne vais pas me coucher avant d'avoir vu un film, une série, un truc. Enfin, je suis très... As-tu des compositeurs fétiches du cinéma qui t'inspirent ou que tu écoutes avec... Oui, je sais que Pierre Richard, il y a eu beaucoup de... Pourquoi tu rigoles? Non, mais il y a plein de compositeurs. Je serais un foutu de... par exemple, c'est vrai que en France, François de Roubaix ou Georges Delerue... Moi, je me suis mis à la première fois que j'ai entendu un générique, c'était le générique d'Arsène Lupin, mais pas de Arsène Lupin avec des crières, un autre Arsène Lupin. Ah oui, des années 60. Ouais, avec un générique très sautillant de Georges Delerue. J'ai souvenir que la première fois que j'ai eu un petit orgue, bon tant pis, je dois même avoir la photo de quelque part avec cet orgue, et j'ai essayé de rejouer ce truc-là parce que je me disais, c'est génial, parce que je trouvais que ça collait parfaitement au petit côté sautillant puis un peu mystérieux du personnage cabotin. Mais tous les compositeurs, chez tous les compositeurs. Là maintenant, les compositeurs actuels, Hans Zimmer, pour moi, c'est le patron absolu. Quand j'entends ce qu'il a fait sur le Man of Steel, sur la BO, on l'a reçu au studio. Je crois qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas fait ça. On a reçu le disque. J'ai écouté le disque deux fois de suite. Avant le film. Ouais, je suis rentré le soir, j'ai écouté le disque une fois. Je suis resté scié, quoi, bouche bée, ouais. Et j'ai réécouté en disant, mais comment c'est possible, c'est puissant, c'est malin, c'est surtout, enfin, c'est par rapport à quelqu'un où j'essaye de faire le même métier dans des proportions infiniment plus peu humbles, voilà. Mais je me dis, t'imagines, t'as John Williams qui a composé le thème de Superman, et toi tu assois derrière ton piano et tu te dis, allez, aujourd'hui, je vais recomposer un thème pour Superman et je vais essayer de faire oublier le thème de John Williams. Il faut être audacieux. Ouais. Mais c'est bien parce que les artistes doivent l'être. Ouais, c'est ce que j'aime. Et j'adore l'audace de Zimmer qui va chercher une voix dans Gladiator alors que tout le monde attend des musiques péplum, très cuivrées. Et lui, il va faire non, on va faire autre chose. Voilà, c'est très audacieux, c'est très... Parfois, il utilise des recettes parce que il faut bien nourrir sa grande famille, mais sinon, qu'est-ce que c'est malin, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai 10 questions de la fin. Ah, si tu étais un liquide. Un Bourgogne, okay. Un vin de Bourgogne. Rose, bien sûr, Bourgogne. Non, blanc, plutôt. Oh. Alors peut-être même un Meursault, je crois que c'est un Loire, alors c'est même pas un Bourgogne. Ok, toi, t'es plutôt blanc. Ouais, ouais. Si tu étais une ville. Je vais avoir du mal à être autre chose que Paris, je crois. Ok, pourquoi? Parce que tu es né là, donc... Non, parce que de toute ma vie, quand je passe devant... quand je passe sur les quais et que je vois le musée d'Orsay, de l'autre côté des quais, toujours à cet endroit-là, je me dis, waouh, c'est beau. Ouais, je me dis, je sais pas pourquoi, mais cet endroit-là me ramènerait à Paris. Enfin voilà, si on m'envoie cette photo-là quand je suis au bout du monde, je fais ok, je rentre. Ah oui, voilà. Ok, alors ça t'interpelle beaucoup. Ouais, ouais. Si tu étais une langue. Une langue de bœuf, je sais pas. Ah oui, ok, comme Dreyfus m'a dit il y a 3 ans. Lui, c'est une langue de cochon, c'est vrai, c'est un amateur de cochon. Ah oui. Non, une langue de vipère, pardon. Non, ok, mais une langue parlée. Ah, une langue parlée, Je vais perdre en amitié, mais... Peu importe. Si on imagine que la musique utilise beaucoup, remplit beaucoup ma vie, je pense que c'est l'anglais, parce que l'anglais à chanter, c'est quand même... C'est plus top. Non, il y a un truc. Je sais pas. Non, je crois peut-être. J'ai aucune idée. Ok. Alors, on laisse 3 points de suspension. Mais je pourrais dire pas. Alors, quelle pâle langue alors? Si, alors le suisse. Quelle pâle langue? C'est bon. Okay. Non, le suisse, c'est pas mal. Le suisse roman, tu sais, avec des nonantes. Le suisse francophone. Ah oui, ouais, non, mais ça, c'est pas la Belgique, les 90. Ah non, c'est la Suisse aussi. 90 okay. Et 70. Ah, ça, j'ai absolument rien compris de ça, moi. Quand TV5 m'arrive, 93, là. Non. Ouais. Et tu sais que c'est eux qui ont raison, hein. Okay. C'est eux qui ont raison, parce que regarde, si je dois te dicter un chiffre, et ouais. Je te dis 70, donc tu vas écrire, si je te dis 60, tu vas d'abord écrire un 6, ouais. Et puis après, quand il y a le 10, tu fais, ah merde, donc tu vas rayer le 6 pour mettre 7. Ouais. Alors que si je te dis 70, tu sais tout de suite que c'est un 7. Okay. Et donc, je pense que c'est eux qui ont raison. Ok. Alors, ce serait la langue que... Bah, ce serait suisse, le suisse romain. Ok. Hey, hey, hey, got on a train from Cambridge, moved down to an East London flat. Got a moustache and a low-cut vest, some purple leggings and a sailor tat. Just one gear on my fix-it bike, got a plus one here for my gig tonight. I play sin, we all play sin. 2020 vision, just a bed of empty frames. Dressing like a nut, although I never got the grades. I remember when the kids at school would call me names. Now we're taking over their estates. Well, écrire à votre animateur Reynald Gagné via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overborn and self-assured. I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. With the lights out, this is dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto. I'm a vino. I'm a skato. My libido. Yeah. Hey. Yeah. I'm worse than what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello, hello.